Bien-aimés, je vous dis bonjour dans le nom puissant de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ que nous aimons tous. Voilà, j'ai reçu pas mal de questions sur un sujet. Et j'avoue que j'ai été un peu étonné de voir des chrétiens aujourd'hui poser cette question sur les faux hommes de Dieu. Les gens aujourd'hui demandent, mais frère, Jésus parle des faux hommes de Dieu qui arrivent, que nous vivons, ils sont au milieu de nous. Mais frère, comment on va les reconnaître? Bien aimé, j'ai été surpris de la question. Parce que de nos jours, nous avons le privilège d'avoir les Bibles chez nous et nous pouvons lire la parole de Dieu pour connaître la vérité. Parce que ça, c'est la vérité. Jésus a été confronté à la même question. Les gens lui ont dit, mais Seigneur, tu parles des faux hommes de Dieu qui vont être au milieu de nous. Mais comment les reconnaître? Mais Jésus a donné la réponse. Si tu lis la Bible, la réponse se trouve dans Matthieu chapitre 7 et Matthieu chapitre 24. Je vais lire Matthieu chapitre 7 à partir du verset 15. Jésus dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Écoutez bien, ils viennent à nous en vêtements de brebis. Ils se disent hommes de Dieu. Vêtements de brebis, c'est-à-dire ressemblent aux brebis de Dieu, aux brebis du Seigneur. Ils ont l'apparence des hommes de Dieu, parce qu'ils ont les mêmes titres, bishop, évangéliste, apôtre général, de ceci, révérend, apôtre, révérend, évangéliste, révérend, docteur, révérend, prophète, en vêtements de brebis, au milieu de nous. Et Jésus dit, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Lorsqu'un loup entre dans une bergerie, d'accord, c'est pas pour venir danser, c'est pas pour venir rigoler, c'est avec un intérêt, c'est pour venir manger, c'est pour venir agir. Il a un plan, un loup a un plan. Et Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits. Toi qui es chrétien, toi qui es en Christ, Jésus te dit, regarde les fruits de celui que tu appelles papa pasteur là, maman pasteur. Regarde les fruits. Jésus dit, c'est par les fruits que tu reconnaîtras que c'est un faux. Jésus a dit à propos de ses disciples, quand on vous traînera devant les tribunaux, ne craignez pas de ce que vous allez dire, parce que à l'instant même, je vous donnerai les paroles. Quand on vous traînera devant les tribunaux, à cause de ma parole, dit Jésus. Mais regardez aujourd'hui, ils sont traînés devant les tribunaux pour viol, pour crime rituel, comme en Côte d'Ivoire, on a égorgé un champ. D'autres sont traînés pour des magouilles, pour des trafics, pour faux et usage de faux. Ils ne sont pas traînés devant les tribunaux à cause de la parole de Dieu. Moi, je connais des hommes de Dieu qui ont été incarcérés, enfermés en Russie parce qu'ils prêchent la parole. Beaucoup d'hommes de Dieu en Chine ont été enfermés parce qu'ils ont le crime, c'est qu'ils ont prêché la parole de Dieu. Jésus dit, lorsqu'on vous traînera devant les tribunaux à cause de ma parole, ne craignez rien. Mais ils sont traînés devant les tribunaux pour autre chose. Pour des magouilles, pour des trafics, pour des viols, on viole les filles, pour des crimes rituels. C'est des faux hommes de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, regardez les fruits, regarde les fruits. Il y a un Congolais, soi-disant homme de Dieu, il prêchait à Amiens, un Congolais. Il va voir les parents d'une fille. Votre fille me plaît, j'ai envie de l'épouser. Les hommes ont dit, ok, elle est célibataire. Si tu veux épouser, pourquoi pas? Les parents de la fille aussi étaient dans l'église. Ils couchent avec la fille, avant même le mariage, ils couchent avec la grande sœur de la fille. Il y avait déjà une rivalité entre les deux sœurs. D'accord? Quand les parents ont appris ça, c'était la guerre. Ce Thomas fut à Amiens, il est venu sur Paris. Arrivé à Paris, il a recommencé la navette avec les filles. À l'heure où je vous parle, il est allé créer une église en Belgique. Toujours célibataire. On m'a parlé d'un Ivoirien. Il est là, à Aubervilliers. quatre sœurs en Christ de l'église sont chez lui, habitent chez lui. Il couche avec. Il paraît très qu'à la maison, c'est des bagarres entre filles. Des bagarres. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Un vrai homme de Dieu qui a été appelé par le Seigneur à la crainte de Dieu. Parce qu'il sait qu'il n'est pas là pour jouer. C'est Dieu qui l'a appelé. Celui-là, il craint, il fait tout pour ne pas décevoir celui qui l'a appelé. C'est ça un vrai homme de Dieu. Ce n'est pas des gens, il est marié, il est pasteur, il couche avec les filles de la chorale, il couche avec les filles de l'assemblée, il met même les femmes enceintes. Et il vient toujours tenir le micro. D'autres couchent avec le pasteur depuis des années. Aucune repentance. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. David était un homme de Dieu. Lorsqu'il a commis adultère, il est allé pleurer devant l'Éternel. Il n'est pas resté dedans. Mais vous avez des hommes de Dieu qui restent dans la fornication, des hommes de Dieu qui restent dans l'adultère. Vous avez même des filles de l'église qui se moquent même de maman pasteur parce qu'il couche avec son mari, elle couche avec son mari. Mais toi, tu es dans l'église. Le pasteur qui est devant toi, il couche avec toi et tu te moques même de sa femme. Ce n'est pas un homme de Dieu. Jésus te dit, tu veux connaître celui qui est le faux. Regarde les fruits. Les fruits. Je vais lire dans Matthieu chapitre 24. Jésus dit ceci. Matthieu 24 au verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ. Des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et Jésus termine en disant, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. C'est pour nos générations que Jésus avait parlé. Parce que Jésus n'est pas là physiquement. Mais il nous a annoncé tout ça d'avance. Mais c'est dans sa parole. C'est là-dedans. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu vas t'en sortir devant les faux hommes de Dieu? Ils font des miracles. Ils font des prodiges, comme Jésus dit. Je te fais savoir une chose. Lorsque Dieu appelle Moïse, il dit, toi, je vais t'utiliser pour faire sortir mon peuple d'Égypte. D'accord? On voit comme Pharaon était contre. Que fait Dieu? Il fait des miracles à travers Moïse. C'était une façon de faire comprendre à Pharaon que Moïse n'est pas là en son nom. C'est moi qui l'envoie. Et qu'est-ce qu'on voit? Les marabouts de Pharaon. D'accord? Les devins. Les sorciers de Pharaon ont dit, ok, patron, nous aussi on peut faire les miracles. Et on voit bien dans l'histoire de Moïse, Dieu fait les miracles par Moïse, Satan fait les miracles par les marabouts de Pharaon. D'accord? C'est la preuve que le diable aussi fait les miracles. Quand Jésus dit, les faux hommes de Dieu feront des miracles. Vous savez, l'apôtre Paul a été envoyé par Dieu. L'apôtre Paul. Dieu ne peut plus venir nous dire que l'apôtre Paul est un faux homme de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, Jésus ne peut pas appeler faux la personne qu'il a envoyée. Donc si Jésus parle de faux homme de Dieu, parce que ce n'est pas lui qui les a envoyés. Mais remarquez qu'ils ne sont pas envoyés par Jésus, mais ils font quand même des miracles. D'accord? Dieu, Jésus ne peut pas faire des miracles avec les faux hommes de Dieu. Donc, ces faux hommes de Dieu ont recours à une autre voie, à d'autres puissances pour opérer des miracles dans les églises. Et ces faux hommes de Dieu font exactement comme les marabouts de Pharaon qui puisaient leur puissance sur le diable pour faire des miracles. Moïse, homme de Dieu, fait le miracle par la puissance de Dieu. Les marabouts de Pharaon, faux hommes de Dieu, font des miracles par la puissance de Satan. Donc, c'est ce que vous avez aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus dit, ils viennent au milieu de nous en vêtements de brebis, c'est-à-dire ils ont l'apparence de homme de Dieu. C'est comme si c'était des vrais enfants de Dieu. Regardez leurs yeux. Quand il est à l'estrade, le révérend, là, le pasteur, l'évangéliste, le général, regarde ses yeux. Il promène des yeux partout. Dans l'église, il cherche les victimes. Oh, la fille qui est assise là-bas, là, elle vient d'arriver. Oh, mais je ne la connais pas. Bon, en tout cas, ça c'est ce qu'il se dit, il est dans les calculs. Je vais la voir à la fin du culte. C'est des loups. Ils sont là par intérêt. Ils sont là pour l'argent. J'ai vu un dans une vidéo. sur l'estrade là où il prêchait, les gens venaient jeter les billets. D'accord. Il avait le sourire jusqu'ici, il est content. Il est là pour l'argent. D'accord. Quand les païens ont vu Judas avec les disciples de Jésus, les païens disaient, ah, sois-y un homme de Dieu. Alors que Dieu lui savait que Judas est là pour autre chose. Mais il avait l'apparence d'homme de Dieu. Puisque quand Jésus a envoyé tous les disciples, imposer les mains aux gens guéris, les disciples sont arrivés en disant, même le diable était soumis. Et voilà, les démons sortaient des corps. Mais Judas aussi, d'accord? Mais Judas était là pour l'argent. Quand Satan a regardé, il a dit, toi là, toi, c'est l'argent qui t'intéresse. Parce que je vois comment tu piques dans les dîmes et les offrandes en cachette. Je pourrais avoir Jésus là, je vais passer par toi. Toi, je peux t'avoir. Tu aimes trop l'argent, je peux t'avoir. Je peux t'avoir. Tu es un Jésus? Oui, mais je peux t'avoir. Parce que tu aimes trop ton mari. Je peux t'avoir. Tu attaches trop d'importance à ton travail. Je peux t'avoir. Tu attaches trop d'importance à ta famille. Je peux t'avoir. Tu attaches trop d'importance à ta santé. Je peux t'avoir. Avec ton orgueil là, je peux t'avoir. Tu aimes trop l'argent, je peux t'avoir. C'est ce que le diable dit lorsqu'il nous regarde. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un aime son mari, ses enfants, sa famille, sa propre vie plus que moi, il ne peut pas me suivre. Parce que Satan va t'attaquer dans ce que tu aimes le plus. Tu aimes trop ton mari parce qu'il y a des femmes, si le mari, voilà, ça ne va pas. Elle ne prie même plus. Et Satan dit, comme tu aimes trop ton mari, je peux t'avoir. Comme tu aimes trop ton épouse là, je peux t'avoir. Mais quand tu aimes trop Jésus, Satan ne peut pas t'avoir. La Bible nous parle. Élisabeth et Zacharie. La Bible dit, ils étaient au service de Dieu d'une manière irréprochable. D'accord? Quand Gabriel va voir Marie, il dit, celle qu'on appelait stérile est à son sixième mois. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Celle qu'on appelait stérile. C'est-à-dire que les païens, les amis, les connaissants d'Élisabeth l'appelaient la stérile. C'est pourquoi Gabriel dit, celle qu'on appelait stérile est à son sixième mois. Ça veut dire que les moqueries qu'Élisabeth subissait à cause de la stérilité, même les gens du ciel, comme les Gabriel et autres, ils étaient au courant. Celle qu'on appelait stérile, je t'informe Marie, qu'elle est à son sixième mois, parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est ça la vérité. Bien-aimé, ce couple, Zacharie et sa femme, depuis leur jeune âge, le nouveau couple, le jeune couple, ils ont commencé à prier pour avoir un enfant. Je vous informe que si vous lisez dans l'Ancien Testament, dans le livre de Nombres, la malédiction, quand la malédiction était dans un couple, l'un des signes, c'était le manque d'enfants, la stérilité. La femme était stérile quand il y avait de la malédiction dans un couple. Mais comment expliquer que la Bible nous dit qu'ils étaient au service de Dieu d'une manière irréprochable, mais il n'y a pas d'enfant. Mais quand Zacharie vient parler, quand Gabriel vient parler à Zacharie, Zacharie est étonné. Tu veux me parler, Élisabeth aura un enfant. La vieille qui est à la maison, là, la vieille là. Gabriel, soyons réalistes, regarde mon âge. Ma femme est vieille. Ça va se passer comment? Et ça fait des années, 50 ans qu'on prie pour un enfant. Nous, on a déjà même oublié ça. Nous, on n'est plus dedans, on est vieux. On ne peut plus faire d'enfant. La vieille, elle va tomber enceinte. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que malgré qu'ils avaient besoin, parce que Gabriel va dire à Zacharie, tes prières ont été exaucées. Ça veut dire que ce couple, quand ils étaient jeunes couples, ils ont prié des jeûnes et des prières, des jeûnes et des prières pour avoir un enfant. L'enfant ne venait pas. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils sont restés fidèles à l'œuvre de Dieu. Tout fidèles. Ce sont des personnes comme ça qui seront sauvées. L'apôtre Paul a dit, des choses de la vie qui avaient de la valeur pour moi, aujourd'hui je les regarde comme de la boue. Comme de la boue. C'est pourquoi, dans Actes des Apôtres, quand des mondains voulaient chasser un démon d'un corps, le démon a dit, moi je connais Jésus, je connais Paul. Vous êtes qui? Et le démon s'est mis à les tabasser. Pourquoi? Mais ce qui est intéressant ici, les démons disent, on connaît Paul. C'est un homme comme nous. Il mangeait la baguette de pain comme nous. Sauvé par grâce comme nous. Mais Satan dit quand même, on le connaît. Pourquoi? Parce que Paul dit, moi, j'ai appris à être satisfait de la situation que je me trouve. Que je sois dans l'abondance, gloire à Dieu. Que je sois dans les manquements, Gloire à Dieu. Donc le diable pouvait dire, lui là, c'est même pas la peine qu'on arrête de l'attaquer, parce que lui, même si on ferme toutes les portes de bénédiction, même si on fait quel que soit tout ce qu'on peut faire, lui, c'est un élément, il n'y a que Jésus qui compte pour lui. Et c'est pourquoi Paul, son souci n'était même plus d'avoir une femme, parce que Pierre, Jacques et les autres disciples, ils avaient des épouses, des gosses. Mais Paul ne regardait même plus, il faut que moi aussi je me marie. Hein? Quand même, je dors seul en hiver. Hein, l'hiver arrive, je passe pas l'hiver seul. Il faut que moi aussi je me marie, que j'ai quand même un mon bébé dans les bras. Je dors seul, il me faut une femme pour me faire à manger. Mais Paul n'a pas regardé ça. C'est Jésus qui comptait pour lui. C'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Ne crains point petit troupeau. Mais Jésus ne dit pas ne crains pas grand troupeau. Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Parce que je vous dis que beaucoup chercheront à rentrer par cette porte. Mais nous ne pourrons pas. Et pourtant, la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé. Tout homme, tout le monde. Le salut, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus dire, ah, j'ai trop péché. C'est pas la peine d'aller vers Dieu. Parce que Jésus a pris tous les péchés des hommes. Même les péchés de l'homme qui s'appelle Hitler. Jésus a payé pour lui à la croix. Tout le monde. En Dieu, il n'y a point de favoritisme. La Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. C'est des gens eux-mêmes, parce qu'ils ont endurci leur cœur, qui s'éloignent de Dieu et choisissent eux-mêmes l'enfer. À l'heure où je vous parle, le livre de vie est ouvert. À l'heure où je vous parle, Dieu est en train d'écrire les noms. Toute personne, où que tu sois, qui reçoit, qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu écrit son nom. Mais il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Le livre-là ne restera pas ouvert tout le temps. Dieu va le fermer. Et là, c'est fini. Tout sera scellé. Lorsque Dieu a dit à Noé, construis l'arche, je vais détruire le monde. Et demande aux personnes qui veulent sauver leur vie d'entrer libre, accès libre dans l'arche. Noé construit, Noé avertit, venez, oh, Dieu va détruire le monde. La Bible dit, les gens se moquaient de lui. Et c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Nous disons, Jésus vient, il y aura l'enlèvement de l'église, il y aura l'enfer. Moi j'ai vu un ami, un collègue de travail, un blanc. Il rigole devant moi, il me dit, arrête-moi tes histoires d'enfer. L'enfer n'existe pas. C'est-à-dire, les gens sont en train de se moquer de nous. Comme Noé. Mais le fait que les gens se moquaient de Noé, Dieu, quand le temps fixé par Dieu est arrivé, Dieu a verrouillé la porte. Et l'eau a commencé, le déluge. Et les gens qui pouvaient venir cogner, ouvre, c'était trop tard. Parce que c'est Dieu qui tient les clés du salut. Les clés du salut ne dépendent pas de moi. Parce que si les clés, c'est moi qui avais les clés du paradis, d'accord, je vois mon oncle là-bas, je dis tonton, viens. Je vois ma grand-mère là-bas, je dis toi, viens. Si c'était moi qui avais, je suis au paradis, c'est moi qui ai gardien à la porte. Je veux faire du favoritisme. Mais c'est pourquoi c'est Dieu qui les tient. D'accord? Sinon, je serais là, même mon fils qui refusait Dieu sur terre. Je dis, mon fils, viens, je veux faire du favoritisme. Mais c'est Dieu qui tenait la porte, qui a verrouillé la porte au temps de Noé. Et c'est le même Dieu aujourd'hui. Nous sommes au temps de la grâce. D'accord? C'est le moment d'entrer dans l'arche. Nous avons le privilège, par le sang de Jésus, Christ Jésus a payé pour notre salut. C'est gratos qu'on rentre aujourd'hui dans la maison de Dieu. Et Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, venez, tout le monde vient, je vous donnerai du repos. Le salut, c'est moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Venez, je donne gratuitement la vie, c'est pas payant. Je donne gratuitement la guérison, c'est pas payant. Je donne gratuitement la délivrance, c'est pas payant. La parole de Dieu, je la donne gratuitement. C'est pas payant. Je donne mon Saint-Esprit à qui je veux. C'est pas payant. Mais vous avez des gens qui ferment leur cœur. Bien-aimés, ne pose plus la question comment on va les reconnaître. Jésus te dit, tu vas reconnaître les faux hommes de Dieu par leurs fruits. Quels sont leurs fruits? D'accord? Quand tu vois ces champs qui vont... Attends, comme je l'ai dit la dernière fois, regarde les doigts d'une personne qui est dans la franc-maçonnerie. D'accord? Des grosses barres magnétisées que portent les francs-maçons. Mais pose-toi la question. L'homme de Dieu qui est devant toi là, qui fait des miracles, la grosse bague là fait quoi là? Il paraît qu'aujourd'hui, d'autres ont des bagues, ils les mettent dans la veste parce qu'ils commencent déjà, comme ils sont au courant que les bagues sont dénoncées, ils commencent à les cacher. Donc, d'autres les mettent dans la veste, d'autres ils laissent la bague dans sa voiture. Comme je vous l'ai dit, tant que la bague n'est pas brûlée dans le feu, toute la puissance est intacte. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres, au chapitre 19, des gens qui amenaient des outils, des trucs occultes, la Bible dit, on les brûlait devant tout le monde. Ces faux hommes de Dieu, même s'il cache la bague, peut-être qu'il a des doigts comme ça, il a caché la bague dans la veste. Mais Jésus te dit, tu les reconnaîtras par leur fruit. D'accord? J'ai vu l'un d'eux tout dernièrement. J'étais à un séminaire. Il termine de prier pour les gens. Il termine de prêcher. Après, il se lève. Ok, tu n'arrives pas à faire d'enfant. Tu as tout essayé, ça ne marche pas, c'est une malédiction. Ma soeur, si tu as 100 euros, viens ici devant, je vais prier pour toi. Les femmes se sont levées pour aller devant. Tes affaires ne marchent pas. Hein? Tu n'as pas de promotion. Des autres qui sont venus devant toi, derrière toi, ils sont déjà élevés, mais toi tu es sur place. Tu es bloqué, c'est un envoûtement, ça vient de ta famille. Si tu te reconnais dans cette situation, lève-toi avec 100 euros, viens ici. Tu as des hommes de nuit, des femmes de nuit qui t'embêtent, tu n'arrives pas à dormir, tu as tout essayé. Si tu te reconnais dans cette situation, lève-toi ici avec 50 euros, viens ici. Des commerçants, ils sont dans l'église pour le pognon, ils sont dans l'église pour l'argent. Quand Jésus arrive dans le temple en Israël, Jésus vient pour prier. Parce que Jésus dit, la maison du Père, c'est une maison de prière. Qu'est-ce qu'il trouve à l'intérieur du temple de Dieu? Des gens qui n'étaient là pas pour adorer Dieu. Des gens qui n'étaient là pas pour le salut des âmes. Mais qui faisaient du commerce. Et vous avez aujourd'hui des gens qui sont entrés dans l'église pour l'argent. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu est devenue pour eux un boulot. De la même façon que toi, tu vas au travail du 1er au 30 du mois. Et tu as ta paye. Lui, il prend l'œuvre de Dieu comme un fonds de commerce. C'est-à-dire, il se dit... Comme je n'ai pas de boulot, mais je veux vivre de l'œuvre de Dieu. Je veux vivre de ça. Je vais nourrir mes enfants avec ça. Je vais construire ma maison avec ça. Moi, d'autres ont le boulot, moi je n'ai pas de boulot. Je vais utiliser l'œuvre de Dieu comme un boulot. Je vais vivre de ça. Et c'est la raison pour laquelle ils sont pointus sur l'argent. Dans leurs églises, parfois, on n'accepte pas des pièces pendant les offrandes. On ne veut pas de pièces. Ces gens-là veulent l'argent. Et c'est pourquoi vous allez, ils parlent de l'évangile de prospérité. Qu'ils sont que sur l'argent. Il faut l'argent. Donnez l'argent. Donnez, Dieu va vous bénir. Oh, tu veux une délivrance, donnez. Et une femme est allée voir un de ces faux hommes de Dieu là. Et le faux homme de Dieu lui dit, pour que ça marche, il faut obligatoirement une offrande. Beaucoup sont en train de vous rouler dans la farine. Pour que je prie pour toi, donne d'abord une offrande. Pour que je prie pour ta délivrance, donne d'abord une offrande. C'est du mensonge. Est-ce que vous avez un exemple biblique? D'accord? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Qui est scellée par le sang de Jésus? Une seule offrande a été donnée à Dieu. C'est le sang, le sacrifice de son fils. C'est cette offrande-là que Dieu a agréée. Une seule offrande. Nous ne sommes pas de l'Ancien Testament. Parce que la personne va aller chercher tel prophète, on lui a donné une offrande. Je suis désolé. Dans le Nouveau Testament, Dieu a agréé une offrande. C'est l'offrande de la vie de son fils à la croix. C'est cette offrande dans le Nouveau Testament que Dieu a agréée. On n'a plus besoin d'autres offrandes. C'est du mensonge. C'est des escrocs. Et vous allez remarquer que pour vous convaincre, ils vont chercher les passages dans l'Ancien Testament. Je suis désolé. Les gens de l'Ancien Testament n'ont rien à voir avec le sacrifice de Jésus à la croix. C'est pourquoi la Bible parle de deux alliances. Deux alliances. Première alliance, deuxième alliance. Moi, l'alliance de Jésus, c'est scellée par le sang de Jésus. Alors que l'alliance de Moïse, c'est les offrandes. C'est les offrandes. On partait voir On partait voir le grand sacrificateur, on apportait une offrande. Mais dans la nouvelle alliance, une seule offrande a été payée par Dieu. C'est Jésus lui-même qui a été donné comme offrande pour notre salut. Alors qu'on ne vienne pas vous rouler à la farine. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, ils feront des miracles. Ils feront des miracles. C'est comme je vous l'ai dit. Ne soyez pas étonnés. Ce n'est pas parce qu'ils font des miracles qu'ils sont des hommes de Dieu. Les marabouts, les devins de Pharaon qui faisaient des miracles parce qu'ils voyaient Dieu faire des miracles par Moïse. Est-ce que ces marabouts-là faisaient des miracles par la puissance de Dieu? Non, ce n'est pas la puissance du diable. Le faux homme de Dieu, Jésus dit le faux homme, c'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas moi. Jésus dit dans Matthieu 24 que le faux homme de Dieu va faire des miracles et des prodiges. Jésus dit le faux. Et Jésus ne peut appeler faux qu'une personne qu'il n'a pas envoyée. C'est-à-dire que cette personne va dire, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis apôtre. Mais ce n'est pas Jésus qui l'a envoyé. Et cette personne va faire des miracles. Mais ces miracles ne sont pas faits par Dieu. C'est Satan qui les fait. Mais ce faux homme de Dieu a recours aux pratiques occultes, aux objets occultes, pour opérer des miracles. Même si là, vous le voyez avec l'étiquette d'apôtre, révérend pasteur, c'est des titres. N'importe qui prend le titre qu'il veut aujourd'hui. Une fois que j'ai mes bases occultes pour opérer des miracles, je me dis, ok, bon, quel nom de ministère je vais choisir? Ils choisissent les noms qu'ils veulent. Et d'autres trouvent même qu'apôtre, évangéliste, ça ne suffit pas. Général, je suis le général. Je suis le général, un mensonge. Le général dans l'armée de l'Éternel, c'est l'ange Michael. Ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des généraux dans l'œuvre de Dieu. D'accord? Le Saint-Esprit connaît le ministère d'apôtre, évangéliste, pasteur, prophète, docteur. Le Saint-Esprit ne connaît pas le général. Ce n'est pas là-dedans. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse au chapitre 22, Dieu interdit des rajouts, qu'on n'ajoute rien à sa parole. Apocalypse 22, au verset 18, Dieu interdit qu'on ajoute quoi que ce soit. Donc, bien-aimés, ne posez plus cette question. On va les reconnaître comment? Jésus a dit, tu vas les reconnaître par leurs fruits. Il faut regarder les fruits, le témoignage. Le témoignage. C'était, pourquoi Jésus a dit les fruits? C'est-à-dire, quels que soient les efforts qu'ils peuvent faire pour apparaître à nos yeux comme des vrais hommes de Dieu, leurs fruits vont toujours les trahir. Il y a une Camerounaise m'a dit, frère, je suis allé voir un homme de Dieu pour confesser mes péchés. Et cet homme de Dieu m'a dit, quel est ton numéro de portable? Moi, je lui ai donné le numéro parce que je croyais qu'il continuera à prier pour moi. À ma grande surprise, il m'envoie un SMS. Il me dit, vraiment, je suis désolé de ce que je vais te dire. Tu me plais. On peut faire ça discrètement. Vous vous rendez compte? Et la fille était choquée. Mon Dieu, l'homme de Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Moi, je lui ai dit, c'est des loups. C'est des loups. Moi, je m'en vais me confier à lui. Lui dit, oh, je suis bien foutu. Il est naze de moi. C'est quoi ça? C'est quel genre d'homme de Dieu ça? Moi, je lui ai dit, ce sont des loups. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaissez par leurs fruits. Par leurs fruits. Ils sont nombreux aujourd'hui. Ils font des miracles pour vous séduire. Regardez sur YouTube. Vous ne les verrez pas faire une vidéo en train de prêcher la parole de Dieu. Non, leur vidéo c'est spécial miracle. C'est un signe d'un faux homme de Dieu. Parce que Jésus a dit, ils séduiront les gens par les miracles. C'est pourquoi sur cette vidéo, ils ne montrent que les miracles. Ils ne montrent que les miracles sur cette vidéo. Parce qu'ils veulent séduire par les miracles comme Jésus l'a dit. Ils séduiront par les miracles, par des prodiges. C'est pourquoi sur cette vidéo, ils ne montrent que des séquences de miracles, des séquences de délivrance, des séquences de prophétie. Vous avez d'autres sur WhatsApp ou sur Facebook, ils mettent prophète tel, numéro de téléphone, appelé pour la prophétie, les prophéties en live. Et quand vous allez appeler, les prophéties vont vous dire des choses. Et si vous mordez à l'hameçon, il va vous dire, pour que ça marche, donnez d'abord une offrande. C'est comme ça qu'ils font pour avoir votre argent. Au Gabon, une femme est allée vendre un terrain. 500 000, il a donné, l'homme de Dieu lui a dit, si tu me bénis, Dieu va te bénir. Elle a tout donné à l'homme de Dieu. Jusqu'à ce jour, elle n'a rien reçu. Rien. La pauvre. C'est des escrocs. C'est pourquoi Jésus a dit, ils viennent au milieu de vous en vêtements de brebis. C'est-à-dire, ils ont l'apparence comme s'ils étaient des brebis de Dieu, des enfants de Dieu. Ce n'est qu'une apparence. Et Jésus dit, au-dedans d'eux, c'est des loups. Ils viennent, c'est-à-dire, c'est des gens qui se sont, ils ont réfléchi. Ah, bon, ma vie ne marche pas, je vais devenir homme de Dieu. Et pour avoir beaucoup de gens, je vais avoir recours. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Dieu ne peut pas te donner son onction alors que ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Donc l'onction que tu as là vient du diable. Cette onction te permet de faire des miracles. C'est tout. Et Satan gagne quoi dans tout ça? Parce que les personnes qui vont te suivre, ils sont plus focalisés sur Jésus. C'est-à-dire, à travers les miracles, tu les éloignes de Jésus. D'accord? Tu les éloignes de Jésus. Souvenez-vous des 10 lépreux qui sont venus voir Jésus. Ils avaient la lèpre. Jésus les a guéris. Les 9 autres, une fois qu'ils ont reçu le miracle, retournaient à la maison. Ils sont partis. Ils sont retournés. Parce qu'ils sont venus chercher que le miracle. Mais une seule personne est venue vers Jésus. Jésus lui a dit, mais vous étiez 10, non? Où sont les 9 autres? Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que celui-là, il a eu le miracle et la vie éternelle. Les autres ont eu le miracle. Mais ils n'iront pas au ciel. Le miracle ne t'amène pas au ciel. Tu peux avoir toutes les bénédictions de la terre, tu n'iras pas au ciel par les bénédictions. C'est pourquoi Jésus a dit, annoncez la bonne nouvelle. Un véritable homme de Dieu, toi qui veux savoir qui est le faux, un véritable homme de Dieu prêche la parole. Un véritable homme de Dieu prêche l'évangile du salut, pas l'évangile de la prospérité. Je dis bien l'évangile du salut, le salut des âmes, pas l'évangile de la prospérité. Un vrai homme de Dieu prêche l'évangile du salut. Et quand il termine de prêcher, il fait l'appel. Quelles sont les personnes qui veulent recevoir Jésus? Levez-vous. Parce que sa vision, c'est faire en sorte que des âmes viennent à Jésus. C'est ça, sa motivation. Il ne prêche pas l'évangile de prospérité, l'évangile des choses de la terre, l'évangile des richesses de la terre. Il n'est pas là pour ça. Donc, tous les signes sont là pour que vous sachiez qui est le faux, qui est le vrai. Tu es dans une église, ma soeur, tu as affaire à un pasteur qui drague les femmes. Tu as affaire à un faux. Tu es dans une église où un pasteur part dans des tribunaux pour des viols, pour des magouilles. Tu as affaire à un faux. Tu es dans une église où on ne veut même pas de pièces dans les offrandes. Tu as affaire à un faux. Il a des grosses barbes aux doigts. Des barbes, là, grosses barbes. Tu as affaire à un faux. Jésus ne portait pas les barbes. Aucun disciple de Jésus n'avait les barbes magnétisées. Les barbes que tu vois là sont dotées de pouvoir. Je sais de quoi je parle. J'ai travaillé avec un grand marabout. Les barbes là sont dotées de pouvoir. Je voyais comment il faisait ça la nuit. Il faisait les incantations après avoir allumé des bougies de couleur rouge. Et moi j'étais là, je le regardais faire. Je voyais comment il tombait en transe quand il parlait avec des démons. C'est des bagues travaillées. C'est grâce à ça qu'il fait des miracles. S'il vous dit, ouais, mes bagues n'ont rien à voir, dites-lui, homme de Dieu, si tes bagues n'ont rien à voir, est-ce que tu nous les donnes pour qu'on les brûle? On va les brûler. Il va refuser. Il n'acceptera jamais que ces bagues soient brûlées parce que sa puissance est dans les bagues. Donc ne posez plus la question comment on va les reconnaître, les faux hommes de Dieu. Jésus a tout dit. C'est ce que j'avais à vous dire, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Soyez vigilants. Et si tu as affaire à un faux homme de Dieu, méfie-toi. Mais qu'est-ce que Jésus a dit aux gens? Il a dit, ce que les pharisiens vous enseignent par rapport aux Écritures, appliquez-le. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le faux homme de Dieu, là, si tu trouves qu'il ne prêche pas la parole de Dieu, il passe son temps que les prophéties et les miracles, quitte cet endroit. Tu es dans les bras d'un loup. Tu es dans les bras d'un loup. Quitte-la. Va là où la parole de Dieu est prêchée. C'est tout. Ne reste pas enfermé derrière le faiseur de miracles. Parce que le faiseur de miracles va t'éloigner de Jésus. Tu vas faire quoi? Tu deviendras son disciple. Et je vais vous dire une chose. Les bagues qui sont travaillées, qui sont dotées de pouvoir, quand ils t'imposent les mains, ça te touche. Tu seras envoûté. C'est-à-dire les puissances démoniaques. C'est-à-dire que quand le marabout travaillait les bagues, le marabout fait les incantations. ici ton nom, le nom de l'homme de Dieu. Ici, si tu t'appelles Jules, toutes les personnes que Jules va toucher la tête avec cette barre, il parle aux esprits. Faites en sorte que les personnes soient liées à Jules. Faites en sorte que les personnes ne dorment pas la nuit, ils pensent qu'à Jules. Faites en sorte que les personnes suivent Jules. Le marabout faisait des incantations sur la barre. En fait, le marabout parle à des démons, à des esprits qui sont liés à la barre. Et c'est pourquoi quand l'homme de Dieu te touche la tête là, tu es envoûté. On peut tout te dire sur lui. Tu le suis comme une mouche. On peut même te dire on l'a trouvé en train de violer une fille. Tu t'en fous parce que les puissances démoniaques qui sont à la barre t'ont déjà envoûté. Et ce sont ces puissances qui te mettent en transe. Ce sont ces puissances qui font que tu tombes. Ce sont ces puissances qui travaillent avec lui. Dites-lui, homme de Dieu, enlève ça, on va brûler ça. S'il veut vraiment vous prouver sa bonne foi, dites-lui, pasteur, si ta barre n'a rien à voir avec l'occultisme, est-ce qu'on peut la brûler? Il n'acceptera jamais, parce que la barre là lui a coûté de l'argent. Parce que le marabout vend les barres. Il ne les donne pas cadeau. Il les vend. Et l'homme de Dieu achète pour aller faire les miracles avec les puissances qui sont liées à ces barres-là. D'autres n'ont pas de barre. Ils ont des chaînettes avec un gros crucifix. Un gros crucifix. D'accord? Vous avez quelqu'un crucifié sur une croix. Des gros crucifix. C'est ça que le marabout travaillait. D'autres, le marabout travaillait des mouchoirs. Vous avez des hommes de Dieu, il a toujours un mouchoir ici quand il prie pour les gens. C'est un mouchoir travaillé. Et vous allez voir dans certaines vidéos, quand il fait comme ça, si le mouchoir là te touche, tu tombes par terre. C'est un mouchoir travaillé. D'autres, c'est les huiles. Il achète des cartons d'huile d'olive. Il l'amène chez le marabout. Le marabout fait des incantations la nuit. L'huile est déjà infectée, infestée de démons. L'huile a déjà des démons. Des démons ont été mis dans cette huile-là. Et quand tu forces cette huile, tu te fais posséder par ces démons-là. Mon peuple périt faute de connaissance, dit le Seigneur. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi nous pouvons vous avertir, nous, parce que nous on a touché à ces choses-là. C'est pourquoi on peut vous avertir. Je ne parle pas de ces choses parce que j'ai entendu quelqu'un. Je parle du vécu. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Gloire à Dieu. Et puis il y a des gens, n'est-ce pas, ils prennent mes vidéos, ils les trafiquent, ils vont les publier sur leur site. Si vous voyez ma vidéo ailleurs, en dehors de mon site, ce sont des trafiquants. Ce sont des escrocs. D'accord? C'est des rigolos. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Soyons fiers de notre Dieu. Soyons fiers de Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix pour notre salut. Merci Seigneur pour le salut gratuit. Quelqu'un ne vous demande pas des offrandes, des fausses offrandes. Une seule offrande a été agréée par Dieu dans la nouvelle alliance. C'est l'offrande, c'est Jésus-Christ qui s'est donné en offrande pour nous. C'est cette offrande-là que Dieu a agréée. Dans l'Ancien Testament, les gens apportaient des offrandes pour aller voir le grand sacrificateur. Nous, on n'est pas de cette alliance-là. C'est pourquoi vous allez voir les faux hommes de Dieu pour justifier leurs offrandes. Ils vont toujours fouiller dans l'Ancien Testament. Je suis désolé. Dans le Nouveau Testament, une seule offrande a été agréée par Dieu. C'est Jésus lui-même qui s'est donné pour nous en offrande à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Que Dieu vous bénisse.